personne peut venir vous dire « J'ai compris que toute ma vie était pour Dieu, mais si quelqu'un s'approche de ma femme, il est jaloux. Elle est jalouse. » C'est là, non, là j'ai pris le cas d'un homme parce que c'est un frère qui me dit ça. Et c'est, je veux dire, à tel point qu'à un moment donné, il comprend que sa jalousie c'est devenu du shirk. C'est-à-dire que c'est normal de vouloir protéger sa femme et de vouloir protéger son mari. Mais à un moment donné, c'est tellement obsessionnel qu'il pense au mouvement de sa femme et non pas à son adoration de Dieu.